rappelle pour ceux qui étaient là ce matin, Émilie Garcia arrive d'ici quelques secondes. Donc je vous présente mon collègue Dominique Jonker, qui n'était pas là ce matin, qui est l'autre responsable des stages en bloc 1. On n'a pas d'autre cours. Non. Et aussi pour ce qui est art du spectacle. Hein. Tu as des stages en art du spectacle. Y a-t-il des étudiants en art du spectacle parmi vous? Ah, c'est comme ça que vous êtes plus nombreux que ce matin. Alors, on va vous faire une présentation commune parce que c'est tous les deux des stages de bloc 1 qui durent en grosso modo une demi-heure. Après ça, les étudiants qui souhaitent faire leur stage avec Dominique sortent avec Dominique. Et ceux qui veulent faire leur stage avec moi, ils restent ici. Et alors après, moi, je procéderai à la répartition des stages puisque le grand principe de base de différence entre nous deux, c'est que moi, ma liste de stage, c'est moi qui vous la pose. Elle est fermée. Monsieur Jonker, vous pouvez éventuellement... Il aime autant que vous proposiez des stages, mais il a aussi une liste éventuellement en réserve pour les étudiants qui seraient qui n'auraient pas trouvé demain un stage. Mais il vous l'expliquera mieux. Alors, donc voilà, je vous rappelle juste Émilie donc Garcia-Guilhem qui est, donc elles étaient deux ce matin, celle qui a des cheveux bruns courts et qui va arriver, c'est celle qui encadre les stages avec nous deux. L'autre, elle s'occupe plus du cours d'écriture scientifique et elle est plus chercheuse en fait qu'assistante. Émilie, c'est une véritable assistante, donc elle travaille dans l'encadrement pédagogique à mi-temps et elle fait sa recherche à mi-temps. Et donc la secrétaire, Madame Salah, certains d'entre vous l'ont sûrement déjà rencontrée, mais aujourd'hui elle n'a pas pu être les nôtres. Alors, pour ce qui me concerne, donc voici les disciplines ou les matières. J'ai un problème de vue, là je suis entre deux, c'est trop loin, trop près. C'est les matières pour lesquelles que je privilégie dans le cadre de mes stages, ce sont le patrimoine, les arts plastiques et visuels, les arts audiovisuels, l'édition, lettres et livres, médiation, diffusion. Et donc vous voyez, les lieux de stage potentiels sont listés là. Je suis à la base spécialiste en musée, oui, ça, on devrait peut-être dire aussi. Donc moi je travaille à temps plein au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la direction du patrimoine culturel que je dirige, et donc tout ce qui est patrimoine, mais c'est évidemment mon dada. Mais à la base, je suis surtout spécialisée en musée, et plus particulièrement encore en musée d'ethnologie, donc, et plus particulièrement encore sur l'Afrique noire. Donc, et tout ça, je ne sais plus, parce que maintenant, je n'ai plus le temps de faire ça. Après, quand j'ai une petite lettre, elle se fera. Alors, il y a aussi quelques maisons d'édition, mais je n'en ai pas beaucoup. Des centres culturels, puisque vous savez, vous ne savez pas, mais vous l'apprendrez cette année, en tout cas. Il y a eu une réforme des centres culturels récemment, un nouveau décret. Et les centres culturels ont donc chacun une mission principale et une mission secondaire, un peu comme vous avec les majeurs et les mineurs, si vous pensez que ça existe encore. En tout cas, c'était dans la réforme bolognaise. Et donc, dans les mineurs, les centres culturels peuvent choisir qu'ils développent un côté exposition, etc., d'où le fait que je les ai inclus dans ma liste. Alors, il y a aussi les spectacles et manifestations culturelles, puisque ça, c'est très général. Voilà Émilie. Entre-temps, M. Vanèche est arrivé aussi, que vous aurez reconnu, qui, lui, après, à partir de 3 heures, s'occupera des étudiants de Master 2, mais qui vient écouter, de Bloc 2, mais qui vient écouter ce que nous vous expliquons au Bloc 1. Alors, Festival de cinéma, Agence de presse culturelle, administration, puisqu'évidemment, comme je travaille à l'administration, j'ai la chance de pouvoir vous proposer l'un ou l'autre stage également à l'administration. C'est toujours un grand moment. Mais c'est très intéressant et formateur. Ensuite, Dominique, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'a dit Nathalie, je m'appelle Dominique Jonker. En fait, c'est assez amusant comment l'université recrute les professeurs à qui l'on confie des tâches qui ne sont pas tout à fait au centre de la cible des cours, on va éventuellement les chercher dans leur activité professionnelle. Il se fait que j'avais jadis un diplôme de polytechnicien qui m'a servi pendant une vingtaine d'années, mais que j'ai fini par mettre au fond d'un tiroir parce que j'avais une passion personnelle qui est la direction d'orchestre. Et depuis environ 20 ans maintenant, je ne m'occupe plus que de musique, de direction d'orchestre et de concert. C'est ma vie. C'est pour ça que l'on m'a recruté ici à l'ULB. C'est en se disant, tiens, voilà quelqu'un qui a peut-être des connaissances dans le milieu artistique et dont le réseau permettra à nos étudiants de bourlinguer ici et là durant leur stage. Voilà maintenant environ une dizaine d'années que encadrer les stages de certains d'entre vous. Du coup, étant concertiste, eh bien, forcément, je connais un peu tout ce qui est art de la scène, et donc je privilégie les stages chez moi qui ont lieu dans les théâtres, les centres culturels, jeunes compagnies de danse ou de théâtre, vous le voyez, les orchestres, évidemment, les maisons de disques, les festivals, le milieu des musiques actualisées, les organisateurs de spectacles. Alors, les écoles de cirque, ça se trouve dans ma liste. sans doute que... Bon, je ne suis pas très, très spécialisé, mais enfin, voilà. Les agences de presse culturelle, j'en ai fréquenté, évidemment, pas mal, parce qu'en tant qu'artiste, on a besoin d'agences de presse et de tourneurs et de diffuseurs. J'aime bien aussi avoir des étudiants qui font leur stage dans les ministères parce qu'après ils y sont engagés et alors je peux leur envoyer des dossiers de demande de subsides. C'est très optimiste. Donc si vous faites votre stage dans un ministère, vous avez toutes les chances de réussir. Voilà. Alors pour les deux stages, la durée théorique et écrite du stage est de 30 jours ouvrables au moins de 8 heures. Mais c'est modulable dans le temps. Ce n'est pas 30 jours en continu nécessairement, puisque de toute façon, je vous rappelle ici que vos cours obligatoires ont la priorité et que donc vous aurez comme première tâche finalement d'arriver à une entente avec vos maîtres de stage quant à vos horaires de prestation. Donc même ce qu'on verra plus tard pour les stages qui me concernent, les horaires sont toujours négociables avec les maîtres de stage puisque vous devez pouvoir concilier cours obligatoires, stages et préparation notamment du mémoire. Monsieur Vanet vous en a suffisamment parlé ce matin. Peut-être que tu as autre chose à dire là-dessus. Oui. Ça rejoint d'ailleurs une chose qui était inscrite sur le premier slide, je pense. C'est que, en ce qui me concerne, les lieux de stage sont totalement libres. Nathalie vous disait qu'effectivement, forcément, au fil des années, j'ai une liste d'endroits où ça s'est bien passé, mais ils sont totalement libres, à condition que je sois sûr que ce sont des endroits où l'on apprend vraiment quelque chose de professionnel. Et ça veut dire, évidemment, qu'il faut un lieu de travail local, un mélange avec les équipes locales, et en ce qui concerne le temps partiel, par exemple, un exemple de mauvais temps partiel, c'est un jour par semaine pendant des mois. Parce que là, forcément, les tâches que l'on vous confierait dans ce cadre-là ne sont certainement pas très intéressantes. Et donc, quand on dit temps partiel, c'est principalement dans le but absolu d'assister au cours. Ne vous laissez absolument pas piéger. Je suis très étonné ces 3-4 dernières années du nombre d'étudiants qui sont revenus en nous disant « mon employeur, entre guillemets, ne me permet pas de quitter mon lieu de stage ». Mais comment ? Et vous avez cours ? Oui, mais il ne veut pas. Alors, en ce qui me concerne, c'est une des choses dont vous devez parler aux candidats employeurs, c'est qu'il n'est pas question que vous mettiez les pieds chez lui si vous ne pouvez pas vous rendre aux cours obligatoires. C'est évident. D'ailleurs, si j'étais employeur d'un stagiaire, j'avoue que j'aurais des difficultés à m'occuper de lui 8 heures par jour, tous les jours de la semaine. Voilà, j'ai d'autres choses à faire, donc il me paraît tout naturel qu'une après-midi, une matinée, vous disiez oh, « je ne suis pas là », surtout qu'en ce qui concerne les lieux de spectacle, etc., eh bien, on demande souvent de travailler le soir pour assister, pour être là, voir comment ça se passe, à la billetterie par exemple. Et donc, il faut se ménager un horaire souple, absolument, et ne certainement pas se laisser piéger. Or, comme chez moi, la liste est libre, c'est une des choses que Émilie Garcia vérifiera avec vous au moment, avant de signer la convention, c'est qu'effectivement, vous soyez libre de cet emploi du temps. Donc les horaires sont précisés dans la convention. Donc avant de la signer, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a proposé votre maître de stage, il faut la signer. Il faut venir en parler avec Émilie, il faut trouver un arrangement. Alors, avant le stage, donc, je vous l'ai dit, hein, vous avez la liste des stages a été mise en ligne mercredi. Donc, vous avez, normalement, la plupart d'entre vous ont déjà pu y avoir accès en ce qui concerne mon stage. Et on procédera à la répartition après cette présentation aussi. Pour le stage de Dominique, il est occupé, c'est une redite de ce qu'on a déjà dit 4 fois. Donc, c'est vous qui choisissez votre lieu de stage sous réserve d'acceptation, premièrement par Émilie, puis par Dominique Bouquet. Et c'est vous qui réglez tout ce qui est votre inscription officielle au stage. Vous allez voir Émilie Garcia parce que vous pouvez aussi remplir une petite fiche avec vos coordonnées, etc. Parce que vous savez, obtenir du service d'inscription la liste des étudiants avec toutes les coordonnées, ce n'est pas toujours évident. Donc on préfère vous demander à vous de venir nous les fournir, ainsi qu'une photo. Parce qu'il y en a certains qu'on verra, d'entre vous qu'on ne verra peut-être pas très souvent. Et donc un trombinoscope est toujours utile. Pour pouvoir vous identifier quand on vous croise, n'est-ce pas? Alors, donc, on parlait de la convention de stage, donc c'est l'article 3 est fondamental dans la convention de stage. Donc, Émilie, on a déjà imprimé une série qui sont disponibles et prêtes à vous attendre dans son bureau. L'article 3 définit en effet les objectifs et les missions du stage. Donc, dans mon cas, ce sera prédéfini puisque vous l'avez vu sur la liste. Dans le cas de Dominique, ben, vous définirez avec votre maître de stage. Vous apporterez, il y a 3 exemplaires de la convention. Un pour vous, un pour le maître de stage, un pour l'université. Donc autrement dit, tous ces exemplaires doivent être signés et il faut ramener les 3 exemplaires à Émilie parce qu'à la fin de la procédure, c'est le doyen qui signe pour l'université. Et après ça, on vous rend 2 exemplaires, un pour vous, un que vous devrez rendre au maître de stage. Donc, comme vous l'a dit aussi M. Vallée ce matin, la procédure complète, donc cette procédure administrative, doit être clôturée au 16 décembre 2016. Au-delà, ça devient compliqué administrativement pour vous enregistrer sur un stage. Nathalie, j'ai 2 remarques à ce sujet. Pour, évidemment, dans ma liste de stages, puisqu'elle est ouverte et que vous allez où vous voulez à condition que, l'article 3 est particulièrement important. Je suis très étonné de voir combien d'employeurs sont incapables. L'article 3 porte sur les missions que l'on vous confie. Et vraiment, tous les employeurs ne sont pas des employeurs structurés, capables de vous fixer une mission en vous disant exactement ce à quels objectifs vous êtes censé arriver. Or, c'est quelque chose que je trouve très important quand on est un gestionnaire culturel, c'est de s'habituer au fond, comme on le fait dans l'entreprise privée, à des objectifs, à des résultats, à une garantie de résultats. Ce sont des choses importantes. Et il ne faut pas non plus forcément que, n'ayant pas de structure, on ne vous confie que des tâches subalternes. On est là. Certains employeurs peuvent confondre un stagiaire du secondaire et allègrement avec un stagiaire de master en gestion culturelle. Voilà, donc ce point 3 est particulièrement important. Nathalie, tu n'as pas parlé des assurances, c'est un tout petit mot, mais c'est évidemment la raison de cette rigueur concernant les conventions est fortement liée aux assurances. C'est vraiment très très important. S'il vous arrivait quelque chose sur votre lieu de stage sans que nous n'ayons encore de convention et que tout d'un coup on se trouve devant des soucis d'assurance, eh bien l'assurance de l'ULB pourrait se laver les mains de votre problème et nous serions bien embêtés. Donc gare à vous si vous commencez sans convention. Et alors, il y a la petite phrase ici en dessous. Donc si au 16 décembre vous ne serez pas réglé, vous ne serez pas noté. Au mois de juin, vous serez noté. Au mois d'août, au mois de septembre. Concrètement, pour les lieux de stage dans la liste de Dominique, pour les stages ouverts, donc en gros, c'est vous repérez un stage qui vous intéresse, soit vous avez contacté un autre stage, soit vous l'avez vu sur culture.be, évidemment. Mais alors après, nous, il faut quand même qu'on suive et qu'on soit sûr que le stage correspond aux attentes du master. Donc c'est pour ça qu'on insiste bien là-dessus, parce que chaque année, on a des étudiants qui arrivent et qui disent, du coup, j'ai trouvé un stage, voilà, donnez-moi la convention. Mais ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Parce que nous, on n'est pas juste là pour vous donner la convention. Donc il y a vraiment une validation. Donc c'est important, vous repérez un stage. En général, les stages sur culture.be qui sont à destination des masters sont entrent tout à fait dans nos attentes. Mais ce qu'il faut faire, c'est que quand vous repérez un stage, pour ne pas aller voir directement l'employeur et lui dire « Ah ben oui, c'est bon, alors vous ne savez pas si de notre côté ça convient », vous m'envoyez un mail, vous me dites j'ai repéré tel stage, soit vous me faites un lien sur l'annonce, soit vous m'expliquez s'il n'y a pas d'annonce précise, je vais faire telle et telle chose, moi je vous dis c'est bon, c'est ok, vous pouvez y aller, ou alors je vous demande, je vous pose des questions complémentaires, soit sur l'institution, soit sur les missions si ce n'est pas assez précis. Mais c'est juste pour vous dire que c'est très important que nous on ne se retrouve pas, si vous voulez, mis devant le fait accompli, où vous nous dites voilà c'est bon, je commence mon stage mardi, et ça met tout le monde en difficulté après. Donc vraiment, c'est très important que vous nous envoyiez, que vous m'envoyiez un mail d'abord pour me dire si vous avez déjà repéré les choses et qu'on en discute et qu'on voit si c'est OK. Et après, évidemment, ça peut aller très vite, tout ce qui est d'apporter la convention. Si, mais ça va d'autant plus vite que tout est bien clair d'abord sur ce que vous allez y faire et si c'est bien dans les cordes du master. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que chaque année, après, ça crée des confusions et c'est frustrant pour nous et c'est compliqué pour nous à suivre. Donc merci de respecter... respecter ça, sachant que à partir du moment où vous venez chercher la convention chez moi et où vous allez ensuite l'acheminer vers la secrétaire en faculté pour signature au doyen, et le moment où vous la recevez et où le doyen a signé, et où donc vous pouvez commencer officiellement votre stage en étant couvert, il y a à peu près une semaine, donc ça va vite. Mais il faut en tenir compte pour fixer les dates de début de stage. Parce qu'évidemment, la convention, donc c'est le contrat. Si vous ne pouvez pas commencer sans convention, c'est beaucoup trop... Voilà, donc c'est juste des petits délais à avoir en tête. C'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'il faut bien suivre le chemin, sinon après, c'est très difficile à suivre de notre côté. Ces PowerPoints seront mis sur mon ULB. Vous auriez accès pour vous rafraîchir la mémoire quand vous posez des questions. Voilà. Voilà, dans le cadre de mon stage, je pense d'ailleurs qu'on retrouvera des choses similaires dans le cadre de Nathalie. Voilà enfin à quoi peut servir le professeur dans le cadre de ces stages. Le stage vous intéresse, vous, c'est vous qui faites des progrès, c'est vous qui apprenez du métier en y allant. La partie que je me réserve est la partie qui concerne la question de recherche. Nous avons instauré il y a quelques années maintenant, les trois professeurs s'occupant du stage, l'existence de cette question de recherche, parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, surtout en bloc 1 d'ailleurs, c'est de vous aider à vous attaquer une première fois, si c'est le cas, dans votre vie, à la résolution d'une question liée à l'observation dans votre stage. Donc ça, c'est une chose très importante, c'est que votre rapport constituera essentiellement en la réponse à une question de recherche qui est à fixer ensemble. Qu'est-ce que c'est une question de recherche? Eh bien, par exemple, là, c'est surtout quelque chose, une question en rapport avec ce que vous avez été supposé capable d'observer sur votre lieu de stage. Si l'on vous met en spectacle vivant, en assistanat à la mise en scène, je serai intéressé par des questions de dramaturgie, de prise de pas, de créativité des comédiens, de rigueur ou d'exigence toute cuite du metteur en scène, d'adaptation de texte à la scène, etc. Si vous êtes en gestion culturelle et que vous vous occupez plutôt de relations avec les publics, par exemple avec les écoles, ou avec, parce que c'est ce que le théâtre vous demande, eh bien, je vous demanderai, en accord avec vous d'ailleurs, de me dire si vous pensez que la méthode utilisée par le lieu est une bonne méthode. Cette question de recherche est très importante parce que penser que ça n'est pas une impression. Nous tentons toujours, en tant qu'académique, que ce soit dans le cadre d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'une thèse de doctorat, à objectiver, bien entendu, ces réponses. Donc, lorsqu'on l'on dit « pensez-vous que la maison gère bien telle chose ?», ça se mesure, ça se compare, ça s'argumente, et ce raisonnement extrêmement rigoureux et qui est particulièrement difficile dans les sciences humaines est très important. Raison pour laquelle nous fixons cette question de recherche, mais pas tout de suite, parce qu'il faut que vous ayez pu voir, sentir dans la maison ce que vous allez pouvoir observer et ce qui vous semble intéressant. Quand vous en avez le sentiment, grosso modo, deux semaines après, je ne suis pas un jour près loin de là, mais vous venez me trouver, c'est un rendez-vous obligatoire, on fixe cette question de recherche dont la réponse constituera l'essentiel du rapport. 48 heures, confirmation, parce que l'église ainsi est mise au courant. Et en cours de route, justement pour vous aider dans ce travail, mais c'est facultatif, nous sommes à votre disposition. Vous prenez rendez-vous avec moi, par exemple, auprès de Madame Sala, et quand vous estimez que vous êtes assez avancé dans la question de recherche, on en parle, on examine, on secoue, et on régate sur le plan intellectuel, de façon à optimiser la cote. Voilà. Alors pour moi, c'est une semaine après le début du stage, vous devez m'envoyer un courriel pour prendre rendez-vous pour fixer la même question de recherche. Donc je ne vais pas m'étendre de nouveau sur cette question de recherche. Mais moi, je vous demande en plus un mi-stage, un bilan synthétique déjà de ce que vous avez pu observer par rapport à cette question de recherche. Donc ce n'est pas un descriptif de ce que vous faites dans l'institution. Ça, ce sera pour le rapport, j'y reviendrai. C'est vraiment, voilà, par rapport à ma question de recherche, ce que j'ai déjà pu apporter comme réponse, ou au contraire, quelles nouvelles questions sont apparues. Donc je vous ai mis là, en termes de forme, un peu les requis. Et donc de nouveau, comme pour Dominique, si vous ne satisfaites pas, satisfaisez pas à ces consignes, vous serez noté absent en première session. Voilà, ça c'est de la tuyauterie. Stage B430, rapport de stage envoyé par courriel à l'assistante au plus tard un mois après la fin du stage. Ce mois, je crois qu'on va le retrouver chez toi, Nathalie aussi. Hein, voilà, chacun pour soi, 30 jours après sa fin de stage, on remet son rapport. Et il y a des dates de clôture, bien entendu, parce qu'on approche des sessions d'examen et on va voir de côté, etc. Donc il y a des dates limites. Ce rapport est envoyé à Émilie et Émilie et moi jetons un coup d'œil tous les deux pour confronter nos opinions sur la validité de votre travail. Remplir et envoyer par courriel la grille d'évaluation du stage. Oui, ça c'est un service que vous nous rendez. En nous disant bien si, d'après vous, les choses se sont bien passées, c'est ainsi que nous constituons la liste blanche et la liste noire des stages à recommander ou à déconseiller. Et il y a, de façon très importante, alors ça, c'est en rouge et c'est pas pour rien, votre employeur doit nous renvoyer par mail une fiche d'évaluation du stagiaire. Ça intervient dans la cotation et beaucoup d'employeurs sont distraits ou négligents et n'envoient pas cette fiche. Et certains d'entre vous vont devoir pleurer, courir derrière, mais à ce moment-là, ils seront... C'est Émilie qui pleure. Ah, c'est Émilie qui en fait, pleure. Pour tous ces formulaires-là qu'il faut rendre, en fait, deux, trois semaines avant la fin de votre stage, j'envoie à chacun les consignes de fin de stage. Donc voilà, bonjour, vous allez bientôt... rendre votre rapport. Je vous rappelle que vous devez rendre votre rapport un mois après la fin du stage. Et à ce moment-là, je vous envoie les formulaires, celui que vous devez nous envoyer directement et celui que vous devez transmettre à votre employeur pour qu'il nous l'envoie. Mais après, c'est nous qui allons voir. Et quand il ne l'envoie pas, qui pleure ? Émilie. Ah, ça, c'est moi. Bravo. Bravo. Mais voilà, donc ça, vous aurez, vous en occupez pas, les formulaires, on vous les renvoie vers la fin de votre stage. Alors pour moi, il y a peu de changements par rapport à ce que Dominique vient d'expliquer, sauf que le rapport de stage, vous me l'envoyez aussi à moi, quand vous l'envoyez à Émilie, et que je souhaite également un exemplaire papier qui doit être déposé chez Madame Sala, donc dans le même délai du mois après la fin de stage. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois, vous pouvez aussi le rendre après deux semaines. Mais en général, vous attendez tout ça un mois, mais bon, voilà. Les dates ultimes sont les mêmes, les grilles d'évaluation également, donc... là, il n'y a pas de différence. La grande, on pourrait d'ailleurs rencontrer ces deux liens l'an prochain en une seule. Alors, rapport de stage, puisque ça, c'est quand même ce que vous devez rendre dans le délai d'un mois. Le fond du rapport constitue 65% de la cotation. C'est pas rien, hein. 65% sur 100%. Donc, accordez-y toute l'attention et le sérieux requis. Donc, il y a différentes consignes en termes de forme. Je suis très maniaque, mais c'est comme ça. C'est parce que je suis la mémé. Vous appelez votre fichier, donc vous mettez bien GQ, votre nom et prénom, parce que je ne peux pas vous dire le nombre de rapports qu'on reçoit où l'étudiant ne met même pas son nom. Donc nous, on est chaque fois obligé de l'ouvrir, etc., pour savoir de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Bon. Et on n'a pas nécessairement l'occasion, bien sûr, de le lire tout de suite. Donc on doit le classer, puis après, il faut le retrouver, etc. Donc s'il vous plaît, facilitez-nous la tâche. Vous la faciliterez par la même occasion. Les annexes doivent être en Word ou en PDF si elles sont trop volumineuses. Les annexes, par contre, ne doivent pas être rendues en papier, sauf si, par exemple, vous avez été amené à concevoir une affiche, un dépliant ou un petit catalogue, hein, on pourrait dire. Ça, vous pouvez, bien sûr, le joindre en annexe. Le contenu du rapport, donc je crois que M. Vanet l'avait déjà dit ce matin, c'est maximum 20 pages, pas de photos, pas de liste dans le rapport, donc ça va en annexe. Alors, il est constitué de 3 parties. La première, c'est d'écrire l'institution dans laquelle vous avez effectué votre stage, avec notamment le statut juridique, bien sûr, est-ce une ALDL, une administration, une société privée, une SARL, une SPRL, notamment. Le budget. Alors un budget, ça se rend sous une forme de tableau ou de camembert, mais pas un texte écrit, bien entendu. Un organigramme, alors un gramme, ça dit bien que c'est donc un dessin. Donc c'est les petits schémas avec les petites cases, les petites lignes, etc. Ça ne sert à rien de faire directeur de point madame truc, vice-directeur de point monsieur machin. Donc il faut me faire une petite pyramide, une arborescence expliquant qui fait quoi et qui est responsable de qui. Ensuite, après la description de l'institution, vient la description raisonnée de votre travail et de votre rôle au sein de l'institution. Donc ce que vous y avez effectué et ce que vous en pensez, donc le recul que vous, le regard que vous portez avec un certain recul sur les activités, les tâches que vous avez accomplies. Puis, on en arrive à la question de recherche qui est bien sûr le nœud du rapport de stage. Dominique vous en a parlé. Donc, il faut là faire preuve de réflexion, mais d'argumentation, de concision, être synthétique, être clair, concis, etc. Alors, vous voyez que sur les 65% du rapport, il y a de nouveau 65% consacrés à cette question de recherche. Donc, la première partie, c'est 15% dans la notation, 20% pour les activités que vous avez effectuées et vos commentaires, et 65% sur la question de recherche. Quand je vous dis que le fond du rapport, c'est 65% de la cotation, ça correspond à ces 65%. Pour nous, le nœud, le cœur du rapport, c'est la question de recherche. Ce n'est pas pour ça qu'il faut faire l'impasse sur les deux premières parties, hein, parce que là, vous perdez direct 35%. Alors, les annexes, donc, vous trouvez un peu aussi juger de leur utilité, faut-il les mettre ou pas, et alors, vous annexez également au rapport votre fiche d'évaluation du stage que vous avez effectué. Alors, comme vous retrouverez ça sur mon ULB et qu'en plus je suis très proche de ce que Nathalie vient de vous dire, je profite de ce moment pour accentuer l'importance capitale de la réponse à la question de recherche. La seule chose, l'unique chose qui peut nous intéresser dans notre rencontre, c'est la confrontation de nos intelligences. Et cela veut dire que le soin, effectivement, que l'on doit mettre à la réponse à une question de recherche et à la qualité de l'exposition de son intelligence est la chose fondamentale. On devient très malheureux quand tout d'un coup, au sein d'un texte, on trouve un organigramme de 12 pages expliquant les travaux totalement anodin et inintéressant de tel et tel employé. On devient frustré lorsqu'en plein milieu d'un travail, on trouve effectivement des textes au kilomètre où ça et là, on retrouve un chiffre. Tout cela nuit au contact des intelligences. Or, la gestion culturelle et les sciences humaines, je dirais, sont à la portée de tous. Il n'y a pas, comme en relativité restreinte, de cerveau incapable d'atteindre le résultat. Tous nos cerveaux qui sont capables de placer des cubes dans les trous carrés et des sphères dans le trou rond sont capables d'analyser correctement une situation. C'est une question de travail et d'organisation de la pensée. J'attache, et je crois, nous tous, une importance capitale à cela. La faculté de résumer son propos, de dire juste, de pouvoir dire si alors, de pouvoir dire ce que je dis est vrai parce que je peux mesurer ou que je peux comparer et parce que je peux faire usage de ma raison, voilà la seule chose, l'unique chose qui intéresse le contact entre professeur et dit élève. C'est ce contact au niveau du raisonnement et de l'intelligence. Donc, je vous supplie, et nous vous supplions tous les trois, de réserver une passion au travail sur cette question de recherche. La question de recherche est une chose absolument passionnante, le mémoire c'est quelque chose de passionnant, la curiosité et la difficulté que l'on a parfois à trier des idées dans des situations qui sont tout simplement complexes, mais pas difficiles, ça c'est un exercice royal auquel vous devez attacher toute votre attention. Le reste est quasiment identique, sauf que je vois qu'il y a une petite contradiction entre les 65% là et les 75% là. C'est-à-dire que le fond du rapport au total, effectivement, fait 65% de la cote globale du cours stage B430 et le stage lui-même 35%. Et à l'intérieur de ce rapport, j'essaye de pondérer ce qui m'intéresse. Si je pouvais mettre 0 là et 0 là, je mettrais 0. Voilà, ça vous donne une idée de l'importance. D'où le plaisir personnel que j'ai à fixer avec vous la question de recherche d'une part, et ensuite à vous rencontrer pour voir quelle tournure ça prend. C'est encore toi. Je propose qu'on ne rentre pas trop dans les détails, puisque tout sera dans le PowerPoint, et par ailleurs, vous recevez aussi des consignes, un document consigne spécifique pour chacun des deux stages qui seront aussi sur mon ULBA. Oui, et d'ailleurs, il y a du rapport de stage, évidemment. Un seul petit mot, c'est que dans le slide précédent, on voyait que c'était chez moi maximum 20 pages, parce que c'est surtout parce que je déteste ça. Si en 3 pages, vous pensez avoir l'intelligence suprême et la démonstration définitive, c'est un pari, mais ça peut marcher. En revanche, comme je le disais, ce qui rend fou, ce sont les blancs, les caractères en 16, en police 16, et les redites. Voilà. Les interlignes de 3 lignes, parce que ça se voit en général. Tout ça, c'est encore un peu de blabla, mais vous aurez donc tout ça dans le PowerPoint. Je voudrais juste dire que on n'attend pas non plus, quand vous décrivez vos activités de stage, que vous le fassiez au jour le jour. Donc, ce n'est pas un journal intime, ça, je vous dis, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est votre problème, c'est votre côté secret. Et donc, il faut, de nouveau, une fois de plus, pouvoir synthétiser vos activités, les classer en fonction des types d'activités, parce que vous allez être amené, non pas à ne faire que ça, hein, du classement du courrier ou du café, mais vous pourriez le faire quand même, puisque même moi, je fais ça là où je travaille, je veux dire, il n'y a pas de raison que les gens qui ont plus de responsabilités ne participent pas aux tâches de gestion quotidienne non plus, mais donc il faudra classer en fonction, par exemple, si vous êtes dans l'organisation d'une exposition, eh bien, il y aura la scénographie, il y aura les supports explicatifs, il y aura la promotion, etc. Donc vous serez peut-être amené à participer à différents tâches. C'est à vous de les ordonner, de les classer. Ça ne sert à rien de me dire le premier jour j'ai une manière, le deuxième jour j'ai une manière. Ça, je ne lis même pas. Alors moi je demande une bibliographie parce que je crois que ça peut vous être utile, en tout cas par rapport à ce qui est votre futur TPM et votre futur mémoire. J'insiste aussi sur des questions aussi stupides que l'ordre alphabétique. Mais vous n'imaginez pas le nombre de rapports et de mémoires que nous recevons avec un désordre alphabétique en bibliographie, ce qui est quand même un comble en master. Et alors, un truc auquel je tiens, je sais que mes collègues me prennent vraiment pour une maniaque là-dedans, quand vous parlez de vous, dites « je », ne dites pas « nous ». Parce que si vous utilisez « nous », vous allez faire des fautes d'accord du participe passé. Or, comme disait M. Vallée, si une partie du passé n'est pas accordée, eh bien déjà, c'est très mauvais pour votre réputation et pour votre notation. Donc utilisez le jeu, c'est beaucoup plus simple et ça vous empêchera des fautes inutiles. Alors ça, oui, moi j'ai encore une petite particularité. Comme je suis la coordinatrice, en tout cas j'essaie de l'être, bénévole du réseau des musées de l'Université libre de Bruxelles, je demande que vous visitiez trois des musées de ce réseau sur trois campus différents. Il y en a sur six campus, donc vous avez le choix. Bon, je sais bien qu'il y en a un qui est très très loin, il est à Traigne, près de Couvain, là. Il y en a à Charleroi, il y en a à Erasme, il y en a à La Plagne, il y en a au Solbosch et il y en a à Oudorgue. Donc il y a moyen de vous promener et d'aller visiter ces musées. Et je vous demande juste, par musée visité, une page de critique ou pas. Hein. Peut-être, enfin, ça peut être des critiques élogieuses ou des critiques vraiment destructrices. Allez-y, lâchez-vous. Moi, ça me permet après de retourner vers mes collègues des musées et de leur dire ce que je vous avais dit. Là, les étudiants confirment, hein, eux aussi, ils ont eu cette impression-là pendant leur visite. Et puis comme ça... Ça vous oblige aussi un petit peu à rentrer en contact avec le patrimoine de cette université dont elle-même ne fait pas grand cas. Heureusement qu'il y a le réseau des musées pour un peu le mettre en place. Alors ça, c'est des rappels de ce qui a déjà été dit ce matin par M. Vanet. Donc toutes les questions au secrétariat sont à régler avec Mme Sada. On a remis les horaires de ces permanences, entre guillemets, en tout cas, oui, de ces permanences. Toutes ces coordonnées. Pour les permanences d'Émilie, également, on a remis ce qui a déjà été diffusé ce matin. Je vous rappelle la réserve qu'elle avait précisée, à savoir que comme elle va être souvent sur le terrain pour les recherches de son doctorat, il y aura sans doute des modifications à certains moments, mais ce sera affiché directement sur mon ULB. Monsieur Jonquet, Dominique ici présent, reçoit le vendredi, mais sous rendez-vous préalable. Ne vient pas. Ça ne sert à rien de venir si vous n'avez pas envoyé un mail à Mme Salah et que vous n'avez pas une réponse positive parce qu'il ne sera pas là. Donc, vous ne déplacez pour rien. Idem avec moi. Moi, le rendez-vous, vous m'envoyez directement un mail et on le fixe par courriel ensemble. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne année académique, un très bon travail et surtout la bienvenue au sein de cette grande maison. Y a-t-il des questions ? Avant que donc les étudiants qui souhaitent travailler avec M. Jonquet quittent la salle avec lui et que les autres restent avec Émilie et moi. De toute façon, vous disposerez donc sur mon ULB en PDF de ce diaporama, mais aussi des consignes relatives au côté pratique des stages et au rapport de stage, à son contenu, etc. Et du guide du master à partir de lundi. Et du guide du master à partir de lundi. Peut-être êtes-vous en train de rater quelque chose, Émilie, tu disais ? Oui, non, juste le guide du master et toutes les infos seront disponibles en début de semaine prochaine. Donc, voilà. Sur où ? Sur mon ULB, tout passe par mon ULB, on n'utilise pas l'UV, mon ULB. Voilà. Si vous désirez travailler avec moi, vous me suivez. Le master en gestion culturelle qui propose des stagiaires et que donc ces institutions-là veulent avoir évidemment le droit de choisir entre les candidats qu'elles estiment les plus appropriés entre guillemets. Ne vous inquiétez pas, de toute façon j'ai plus de propositions de stage que le nombre d'étudiants que vous êtes. Hein. Alors, mes lunettes. Juste pour vous dire donc, comment ça se passe concrètement aujourd'hui, vous allez tous avoir, normalement, avoir un stage sur lequel vous êtes, disons, prioritaire, parce qu'après, il faut que l'institution vous accueille. Donc, vous venez ici, je note votre nom, je vous renvoie à tous les coordonnées du maître de stage, donc de la personne que vous allez contacter pour lui dire bonjour. Voilà, je suis intéressé par ce stage. Donc, certains, parfois, ça les vexe un peu, vous disiez bonjour, on m'a attribué ce stage, parce qu'il dit mais non, c'est nous qui choisissons. Donc, vous dites voilà, je suis très intéressé par ce stage. Vu que la plupart de votre CV, lettre de motivation, vous ne risquez rien à en envoyer. Et là, vous aurez une réponse. S'ils ne vous prennent pas, il ne faut pas vous affoler. Comme on vous dit, il y a plein de stages possibles. On verra dans les listes restantes ce qui est possible. Et là, ça ne sera plus évidemment un tirage au sort. Ça sera en fonction des stages qui restent, des stages qui vous intéressent, etc. Donc, pas d'affolement non plus si après le lieu de stage vous dit non. Mais le mieux, c'est évidemment de se manifester le plus assez rapidement auprès des lieux de stage pour que vous puissiez ensuite rebondir vers un autre stage qui vous intéresse. Mais voilà, moi je vous mets un mail avec les coordonnées, vous les contactez et vous revenez vers moi pour me dire c'est bon, ils m'ont accepté. Ou ah non, ils m'ont pas accepté. Et alors dans ce cas-là, on voit ce qui reste ensemble. Ça va ? Et alors quand vous les contactez, usez de toute la politesse, oui, et l'amabilité requise, s'il vous plaît, parce que vous n'imaginez pas le contenu de certains mails que certains étudiants envoient sans se rendre compte que franchement, on reçoit un mail comme ça, on a un problème. Et là aussi, c'est une bêtise, mais on dit tout le temps, parce que chaque année, c'est quand même frappant, c'est vraiment l'orthographe, quoi. En plus, c'est des mails, donc vous pouvez relire chez vous, et puis c'est pour travailler dans la culture, c'est pas pour être mécanicien, c'est pas... enfin, on doit bien écrire quand on est mécanicien aussi, mais dans le secteur culturel, on est quand même particulièrement sensible aux qualités rédactionnelles, donc c'est quand même la base. Vous êtes en master gestion culturelle, si vous faites des fautes à chaque mot, ça fait vraiment pas bon effet, ni pour vous, ni pour le master d'ailleurs, donc... Voilà, vous pouvez faites vraiment un effort là-dessus, on insiste, mais c'est vraiment une chose qu'on constate. Alors, première proposition, le festival Anima, qui demande deux stagiaires. Il y en a d'autres ? Formidable. Alors. On va prendre vos noms. Vous pouvez le donner là. Sauf s'il n'est pas compliqué, vous pouvez le dire. Allez-y. Louise Bussonnier. Alors, Louise B-U-S-S-E-M-I-E-R-S. Bussonnier. Ok, donc ULB, toujours l'adresse ULB. Hein. Oui, oui. Ok, ça va. Alors, ici. Toussaint, le prénom ? Ludivine Toussaint. Toussaint. Allez, comme... au bout de Toussaint. Ok, parfait. Donc, on vous envoie ça du début de semaine prochaine. Hein, alors, si vous avez déjà un stage, vous n'êtes pas du tout obligé de rester jusqu'à la fin de la séance. Hein, parce que moi, je vais juste continuer à faire ça, là. Les consignes, vous les aurez sur mon ULB, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Moi, c'est juste vous épargner du temps si jamais vous hésitez. Alors, le deuxième stage, c'est au service de la danse au sein donc de l'administration générale de la culture du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chez mon collègue Charles-Yvon Gérard. Personne n'est intéressé par la danse. Ni par Charles-Yvon. Sachant que les thèmes étaient assez ouverts. Hein. Un thème, c'est vraiment si vous êtes intéressé par la danse. C'est vraiment un collègue super dynamique et super motivé par ses thèmes. Troisième stage, mais là, alors il y a des sous-stages. Hein. Donc, la Foire du Livre de Bruxelles demande un assistant en communication. Et donc là, je vais attirer votre attention. Je l'ai mis en rouge sur le fait qu'il faut, si jamais ça vous intéresse, envoyer un CV, lettre de motif et donc avoir un entretien. Vous pouvez laisser passer. Assistante en communication avec d'autres missions, là c'est plus assister le grand chef, si je puis dire, de la Foire du Livre. Vous êtes deux. C'est vrai, moi j'aurais pris le premier. Mais il y a des photos qui sont là. Donc, lesquels ? Photoshop, InDesign, ouais. Ben, vous venez tirer au sort si vous êtes toutes les deux là-dessus. Oui ? Moi, j'ai un deuxième choix, donc si jamais il y a trop de... Ok, donc on attend et on le remet. Alors vous, peut-être ? Moi aussi, j'ai un deuxième choix. Ok, bon, on attend. Alors, le département recherche à l'ULB, donc c'est la première fois que je travaille avec eux, mais je connais la date. Et donc c'est pour les petites présentations des capsules de ma thèse en 180 secondes à l'ULB. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un défi pour les doctorants de présenter leur sujet de recherche en maximum 180 secondes. Et oui, il faut une excellente maîtrise du français, donc il faut être francophone, hein, fatalement. Mais il n'y a pas que ça dans ce stage, puisqu'elle propose aussi de participer avec une série de doctorants et de jeunes chercheurs de l'université à créer un réseau des doctorants et jeunes chercheurs, et donc pour ce réseau organiser des activités, et alors participer aussi à l'organisation du cycle de formation pour chercheurs toujours, et pour la future Summer School 2017 au sein toujours du département recherche. Donc les deux dias suivantes détaillent fortement, et j'ai réduit, hein. Je ne dis pas ce qu'elle avait... Mais donc, c'est aussi une dame qui propose la question de recherche. On dit bien de fraîche, là. Donc, la première question de recherche, c'est comment professionnaliser l'organisation d'un événement organisé depuis 3 ans. notamment via la création d'outils et du mini-guide de l'organisateur. La seconde, c'est comment constituer, dynamiser, faire fonctionner un réseau autour d'activités culturelles et de networking. Franchement, à la fin, c'est vraiment bien. Alors, le troisième, donc, ça c'est toujours le même stage, mais la partie summer school et cycle de formation. Alors, ensuite, au service culture de la ville de Bruxelles. Donc, ça va beaucoup. Donc, j'avais tous les aspects de la communication d'un projet, du graphisme jusqu'à Facebook, gestion de site, affichage, distribution, impression, travail en équipe et transversalité demandée. C'est donc un service public. Hein. Comme dirait M. Jonker, après peut-être on peut envoyer des projets. Il y avait une petite main là. Ou la petite main. Non. Oui, non. Alors, musée bruxellois du moulin et de l'alimentation. Alors là, c'est un petit musée adorable, à Hiver, qui est installé dans un vieux moulin, hein, comme son nom l'indique. Et franchement, vous serez, ceux qui iront là ou celles qui iront là, ils seront amenés à faire de tout. Hein. Ils vont apprendre vraiment à ce que c'est gérer un petit musée communal comme ça, dans les contraintes d'ailleurs communales, puisque il faut aussi que le collège communal ait donné son accord sur l'engagement des stagiaires. C'est-à-dire que tout ça va. Ça, moi, personnellement, à l'administration centrale, je n'ai pas de soucis. Mais personne n'est motivé vers le musée. Ah, hein? C'est le moulin? Le moulin, ah. Ouais. Ah, non. Moi, je en fait, je n'ai pas encore managé, donc je n'ai pas encore mon adresse. Bah, alors, votre autre adresse, vous pouvez venir la donner. Oui, enfin, c'est assez, c'est Marshall. Marshall? Oui. C'est point CHL. Point Sarah, avec H, @.com.br. Ok. Alors, l'ASBL Un soir un grain, qui organise le Bruxelles Short Film Festival. Oui. Alors là, il y en a plusieurs, donc on va faire plus. Oui, ça. Alors oui, on va voir s'il y en a plus. Est-ce qu'il y en a qui font peut-être sur un stage en particulier ou est-ce que c'est le lieu en général? Non, personne. Lequel? Je viens sur le Bruxelles Short Festival. Oui, mais lequel dans mission? Oui, parce que chaque mission correspond en fait à un stagiaire. Oui, moi je à la régie du collectif. Est-ce qu'il y en a d'autres là-dessus? Non? Alors super. Votre nom? Pierre.Reisenfeld, R.O.I. S-E-L-S-E-L-D-A-U-L-D. D'accord. S-E-L-C ou D? D. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres sur des stages particuliers? Oui, mais en fait, j'ai deux choix de stages. Alors, allez-y. Là, c'était sur l'action culturelle. Est-ce qu'il y en a d'autres sur l'action culturelle et jeunesse? C'était votre premier choix? Après, c'est pour le bi film festival. Et est-ce que vous avez une préférence entre les deux? Oui, le film. Alors bon, on attend alors. Et sur d'autres choses sur le Bruxelles Short Film? Non, moi c'est en général. En général. Alors on a déjà eu quelqu'un qui était sur encadrement de volontaires, donc je l'ai amené directement, qui n'est pas là, mais il y a personne. Un stage en particulier, du coup vous avez un peu de choix. Encadrement des volontaires, ou lequel ou l'autre? Accueil des publics. Accueil des publics ou encadrement volontaire. Sachant que j'avais quelqu'un aussi sur encadrement volontaire qui était sur ça ou sur invité, donc à voir. Votre nom? Colline. Avec un seul L. Donc Colline. Donc volontaire et public. Okay. Alors le Bifin Festival, là il y a trois stagiaires puisqu'il y a trois missions. Une pour les invités, une pour la communication et l'accueil des publics. Donc c'est là que vous voulez. Non, c'est dans la logistique. Ah, oui. Logistique. Donc c'est vous trois. Votre nom? Emma. E2MA Rio. Rio. Ouais, comme Rio. Rio. D'autres là-dessus? Oui. Ça aurait été pour soit invité, soit communication. Sur le Bifilm? Oui. Vous pouvez un peu choisir. Ben, vous pouvez dire un des deux m'intéresse et c'est le même maître de stage. Attention qu'il faut demander l'anglais obligatoire. Hein. Mais pas les deux. Un des deux. Oui, d'accord. Donc un des deux, et vous verrez votre nom PAC. Comme les fêtes. Merci. S'il y a des étudiants qui suivent ma séance, il me semble bien que c'est 14h30. 15h30, c'est pas 15h. Donc je vais déjà pour ceux qui seraient en avance, mais ceux qui sont encore ici, 15h30, c'est bon. Ok. Alors, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, service publication. Moi, j'ai plusieurs choix, en fait, et je sais pas trop. Alors, combien vous êtes ? Français ou néerlandais ? Ouais, c'est que un des deux, il faut pas. Non. Donc, alors, relevez vos mains. Relevez vos mains. Donc, vous êtes 1, 2, 3. Ils sont 5. Non, ils sont. Ils sont 5, il y a 4 places. Vous avez une question ? En fait, comme vous n'avez pas encore présenté tous les trucs, en fait, il y a certains trucs, je ne sais pas exactement ce que c'est comme institution. Et en fait, j'ai plusieurs choix dans ce qui a été présenté dans cette liste et je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Vous avez envie de faire comme activité ? De la communication. Tout ce qui est lié à la communication. C'est pas vraiment ça, parce que là, vous êtes vraiment sur le suivi éditorial. Oui, ou alors ça, parce que je suis un peu dans le domaine aussi, en fait. Est-ce qu'il y en a qui sont sûrs, en tout cas, de vouloir participer à ce tirage au sort-là ? On a peut-être déjà commencé. Ça fait plus que 3. Ça fait plus que 3. C'est 3. Donc il restera une place éventuellement et on verra si vous êtes encore intéressé, monsieur, après le liste. Donc il y en a 3 qui sont sûrs de vouloir faire celui-là. Eh bien, c'est bien. Donc on va monter vos noms. Castellini, C-E-2-L-I-N-I. Josephine, avec un S. Magnus, M-A-G-N-U-S. Ok. Lola, il en restera une, monsieur Edith aussi, donc peut-être qu'on repasse après en fonction du reste de la liste, ça va ? Tant qu'il y en a, parce qu'il y en a peut-être qui partiront une fois qu'ils auront leur stage, vous avez reçu le mail par rapport au colloque du 1er octobre ? Non. C'est mis sur mon ULB aussi. Donc c'est un colloque sur les réserves muséales, donc c'est un peu spécialisé, j'en conviens bien, mais c'est l'association qui m'a demandé de vous le proposer et qui propose donc un tarif à 5€ au lieu de 30€ pour ceux que ça intéresse vraiment. Quoi. Et bon, je suis supposée causer là, j'ai encore rien fait, je ne suis pas sûre du tout que j'y arriverai, mais les autres intervenants sont intéressants. Donc de toute façon, ça vaut la peine. Alors, qui dit Bang Bang ? Il en faut 2, je vois qu'une main. Très bien. Votre nom ? Valentine. Ouais. Spicard. SP2E. CK2E. C'est qu'un des AERT. ULB Culture. Votre nom ? Oui. Sûr ? Sandrine. Oui. Dico, c'est décision aussi. Là, tu es venu. Ok. Quelqu'un d'autre ? Alors, le Musée Royal de l'Afrique centrale, vous avez dit qu'il y a 5. Donc 4 stages, avec, c'est tout avec la même dame qui est absolument charmante, qui s'appelle Mathilde, mais c'est pas la reine, c'est Mathilde Dedu. Donc il y a d'abord réalisation d'une revue des articles autour des archives Stanley. Votre nom ? Morgane, en N, et en E, et De Grise, D-E-G-R-I-J-S-E. I-J-S-E. Études et surveillance du marché de l'art. On avait une étudiante qui ne pouvait pas être là, qui nous a fait part de son intérêt, donc c'est bien qu'il n'y ait personne d'autre intéressé. Compte rendu et d'avancement et synthèse de conférences scientifiques. C'est un peu rébarbatif. Je lui ai déjà fait supprimer des propositions. C'est une historienne archiviste. Et alors, revue de presse, études de documentation scientifique, extrait de presse écrit. Culture et démocratie, l'ASBL. Ouais, allez-y, allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Enfin, je laisse bien la main. Voilà. Aline Grolet. Contre-type ASBL. C'est surtout des photos. Des photos, hein. C'est une ASBL qui fait la promotion de la photographie. Bah, lui. Non, c'est chouette, hein. Recyclard. Kevin Burger. Comment? Kevin, sans accent. Burger. B-U-R-G-E-R. Donc ce sera celui-là et pas celui. Ouais. Ok, parfait. Musée d'Ixelles. Oui, surtout que la fille qui vous prendrait en charge est une ancienne étudiante brillante de gestion culturelle. C'est chouette, Musée d'Ixelles. C'est pas loin. Hein, Iselt. Ouais. Votre nom? Clémentine Roche. Vous avez des jolis prénoms cette année, j'aime bien. Néon Rouge Production. Ça, c'est bien. C'est un ancien de gestion culturelle. Il y a plein d'anciens de gestion culturelle qui travaillent. Vous êtes aussi sur Néon Rouge? Oui. Ah, tirage au sort. Allez, venez. Il y a plein d'autres stages qui restent. Hein. Donc il y a une croix et un blanc. Hein. Regardez dans le sac. C'est une ASBL qui fait découvrir le patrimoine bruxellois à des marcheurs, à des divisés notamment. La commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO. Et là, il y a aussi. Là, il va falloir tirer au sort. Il y a une autre. Mais elle a vendu bien sûr. Donc, je mets une croix. Elle a vendu bien sûr. Et trois pour lesquelles il y a des personnes. Non, alors, Allez, venez tirer au sort. Le Goldenberg, ancien palais de Bruxelles. Quelqu'un m'avait parlé du conseil bruxellois des musées là. Eh bien, voilà. Là, il y a des stages. Bon, il y a assez bien l'entretien, mais. Ça vous va? Goldenberg? Oui. Votre nom? Louise Van de Kerr, V-A-N-D-E-S-K-2-E-R-E. V-A-N-D-E? ING Art Management, j'ai collaboré avec cette dame il y a des années, puis là, cette année, elle a réapparu. Travailler pour collection artistique d'ING, c'est quand même pas de la mignonne. Hein. Oui. Mais pour les deux, donc vous êtes libre. Moi, je prendrais ça. Ça dépend ce que vous avez. Vous êtes plus pour le livre ou pour l'art? C'est un peu basique comme question. Vous connaissez le la collection d'ING? Non. Vous connaissez des bases de néerlandais? Mm-hmm. Vous avez une bonne connaissance en anglais? Mm-hmm. J'ai pas. Ah bah alors, vous aimez bien l'art? Vous allez. C'est, franchement, comparé à la part du livre, ça c'est mieux. On a une étudiante. Il y a plein de stagiaires différents ici. Vous serez toute seule avec Madame Machine. Hein, on a une étudiante qui a fait un stage là. Déjà l'année dernière, si vous voulez, vous pouvez discuter avec elle. Vous pouvez discuter avec elle si vous voulez. Mais si vous voulez, je vous envoie c'est les coordonnées de votre étudiante et, okay. Et très vite, vous me dites alors. Mais on vous met là-dessus, a priori, ou sur la foire du livre. Voilà. Parce que c'est eux qui font les expos place Royale. Hein. Enfin, la galerie Votre, est votre nom Camille Armin. D'ailleurs, j'ai eu dans le temps une étudiante qui avait fait son stage là-bas et qui a été engagée quelques années. Cinéma galerie. Alors, Mons, le pôle muséal, mais la cellule UNESCO. Donc, vous savez qu'il y a trois sites UNESCO à Mons. Vous avez mis les Siloro, là, le pétrole, mis les Bouzou et Silex. Hein, c'est ce qui a mis, c'est. Et donc, j'ai travaillé avec Manuela Valentino, qui est, je pense, très ancienne étudiante de gestion. Donc, a des projets de mise en valeur de ces sites. C'est quand même pas des petits sites, mais bon, c'est un Mons, j'en conviens. Enfin, bon, vous étiez étudiants jeunes, du 21e siècle, c'est à partir de l'autre côté de la Terre, vous faites des stages à l'étranger. Franchement, Mons, c'est facilement, il y a une gare. Elle est fonctionnelle. Gansour, c'est plus près, mais il n'y a pas de gare. Là, c'est vraiment sur l'analyse. Sur, ça, c'est vous, si les centres culturels vous intéressent, là, vous allez vraiment plonger dans vraiment. L'analyse du territoire et du nouveau décret des centres culturels. Donc, c'est un domaine qui vous intéresse. C'est quoi cette demi-main? J'ai vu une demi-main. Non? Non, c'est une petite illustration. Okay. Alors, le réseau des musées de l'ULB. Donc, voilà. Ces deux demoiselles-là sont venues me parler de leurs problèmes parce qu'elles sont des horaires fort chargés. Il y en a une qui travaille à temps plein déjà. Valérie, il n'y a personne d'autre que deux, il n'y en a pas plus que deux, je ne vais pas faire des tirages au sort. Ah oui, parce qu'il y a l'autre stage. Mais les deux stages, c'est les mêmes. Vous maîtrisez bien le français, mademoiselle? Vous parlez arabe? Moi, non. Je ne sais pas, parler arabe, parce que c'est pas du tout un problème. C'est parce que là, en fait, le public qu'on vise dans cet événement qui a lieu le jour de la Saint-V, mais je vous rappelle que cette année, la Saint-V est un dimanche, et que donc vous avez congé le vendredi qui précède, à savoir le jeudi. On va cibler, donc c'est à Traigne. C'est du covoiturage avec moi si vous n'avez pas de véhicule. C'est Traigne, c'est dans le bas de la botte du Hainaut, dans le coin là. Et il y a beaucoup de centres de réfugiés, faits d'asile, Croix-Rouge, etc. Et l'année passée, il y avait déjà des réfugiés qui étaient venus, et qui évidemment parlent anglais ou arabe, ou persan, hein, si je ne parle pas persan. Et donc cette année-ci, on met vraiment l'accent et on cible surtout ces centres d'hébergement, parce que ces gens, si vous savez ce qu'ils ont comme programme la journée, ils s'emmerdent, hein, royalement, ils s'emmerdent. Et donc ils étaient tout contents de venir. Et c'est des gens, c'est des ingénieurs, des médecins, c'est vraiment des gens. Et même quand bien même ils ne seraient pas venus comme ça, ils étaient vachement intéressés. Et donc cette année, on a vraiment choisi de les cibler. Et c'est pour ça que je dis que si quelqu'un maîtrise l'arabe, en plus, c'est un plus. Alors, on a déjà une dame, je crois d'ailleurs, qui travaille chez FEDASIL, qui va prendre une des places. Maintenant, si vous voulez trois, moi je veux bien que vous soyez trois, mais j'ai un autre stage qui est du même acabit en termes d'occupation. Hein. C'est le suivant. Et ça, c'est au mois de mai à Oudorghem. Donc, c'est plus loin, mais c'est le même principe. Vous, c'est plutôt celui-là? Toi, c'est Daslas. Ok. Votre nom? Valérie Père. D'accord, désolée. Comment ça s'écrit, le nom de famille? D'accord. Et vous, alors, mademoiselle? Moi, du coup, les deux mots. Alors, vous choisissez, puisqu'il reste une place au précédent. Mais alors, je prends ça du coup. Votre nom? Là, ici. N2A. L. L. 2A. R. I. 2SI. Ouais. Point Najla. N. A. J. L. 2A. ULV.AC.BE. Ok. Et vous parlez quoi comme langue? Je comprends le marocain, mais c'est pas le vrai arabe. J'ai pas. Ok. Mais je maîtrise bien le français et je gère l'anglais pour ça me mal. Mais de toute façon, on a, par exemple, l'expérimentateur de chimie qui sera là, a un réfugié, une des chaires de chercheurs que l'ULB a ouverte pour les réfugiés. C'est un, je pense, un Afghan, et il parle français maintenant aussi, et il sera là normalement. C'est comme ça qu'on multiplie les langues en fonction des gens disponibles. Hein. Donc, alors pour le deuxième stage, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était intéressé? Donc ça, c'est au jardin botanique Jean Massard. Est-ce que vous connaissez le jardin botanique Jean Massard? C'est très joli. C'est à côté du Rouge-Cloître. Hein. C'est juste à côté du Rouge-Cloître. C'est magnifique. C'est le seul jardin botanique sur le territoire de la région de la capitale. Le sol appartient à la région, mais c'est géré par l'ULB. Et c'est surtout valorisé par l'ULB. Et donc, on fait là l'animation, en fait, notre animation annuelle. Et c'est un stage intéressant parce que ça veut dire qu'à la prochaine réunion, c'est la réunion mensuelle que le réseau fait, on décide du thème, et puis après, on travaille et on affine de réunion en réunion. Et puis, donc, il y a la production du visuel, il y a toute la campagne de promotion, il y a les créations des animations, etc. C'est un stage très polyvalent, comme ça. Non ? Mais on fera ça à nous deux. Enfin, donc, avec les collègues. Hein. Alors, ça, c'est donc, là, c'est dans mon service au ministère. C'est un colloque sur vous voyez, les chasses religieuses qu'on processionne, les masques, les blancs moussis, les gigobins. Donc, c'est en fait la problématique des patrimoines qui sont encore utilisés aujourd'hui dans nos contrées. Donc, c'est comment est-ce qu'on les préserve, comment est-ce qu'on les conserve, surtout une fois qu'ils sont en plus classés trésors. Donc, c'est très spécifique, mais je ne vous parle pas ici, ce n'est pas de ça que vous devriez parler, c'est participer à l'organisation du colloque. C'est un plus. Il y a deux places. Mon nom Évertitan, donc E-B, E-R, T-I-T-A-N. T-I-T-A-N. T-I-T-A-N. Dina. Dina, c'est le prénom? Ouais. Donc Dina.Évertitan. Ouais, Dina.Évertitan. ULB, ok. Sophie. Okay. Alors, le centre d'art du Rouge-Cloître après le jardin botanique Jean Massard, on est entre voisins. Là, c'est un centre d'art, donc c'est plus participer à la vie quotidienne, à l'organisation de toutes les manifestations et des activités culturelles. Donc, il est lié à la commune d'Auderghem. Hein. Et c'est intéressant de travailler là, c'est le genre de problématique auquel vous serez sûrement confronté un jour ou l'autre dans votre vie professionnelle, c'est d'avoir une ASBL. Para-pouvoir public. Parce qu'elle c'est une ASBL paracommunale, donc il y a les chemins de la culture là-dedans. Et donc l'ASBL n'est pas en fait totalement libre d'établir son plan stratégique et son programme, etc. Et donc il y a des enjeux de négociation, des discussions, enfin les compromis à la Belge qui doivent s'opérer entre pouvoir public et gestionnaire scientifique et professionnel d'une ASBL culturelle. Ça n'a pas l'air de vous motiver, pourtant. C'est une problématique récurrente dans le domaine culturel. Vous avez tous une mauvaise orthographe, en fait, c'est ça. Alors, le musée de la fraise à Wépion. Le Wépion, c'est loin, mais c'est joli. Et le musée, il est adorable. Et on a déjà vu des stagiaires, là, les années précédentes, qui étaient ravis. Mais bon, il fait de Namurois. Il n'y a pas de Namurois. Si vous voulez, vous n'avez pas la vie. On recommence. Est-ce qu'il en reste qui n'ont pas de stage encore? Ok, donc on va reprendre. La danse. Le 3, il en reste. La foire des bébés. En fait, j'hésite entre deux stages. Je ne sais pas si vous pouvez un peu me conseiller entre le musée de Bruxelles et le centre d'art de Rouge-Cloître. Musée d'Ixelles. Bah, ce que vous voulez faire après, dites-moi. Bah, j'aimerais bien côtoyer un peu les musées. Musée d'Ixelles. Le centre d'art, le c'est. De l'art en général. Musée d'Ixelles, je pense. Musée d'Ixelles, vous aurez un panel chronologique. C'est un musée qui est artistique, qui sera plus large. Okay. Moi, je vais prendre Musée d'Ixelles. Votre nom ? François Bollard. B-O-2-L-A-E-R-T. Ok. Franklin dans ce moment-là, qui a pris la fin. Un autre foire du livre avec le grand chef. Département recherche. Allez. Bon. Vous avez peur de travailler avec des jeunes chercheurs? Pourtant, ils pourraient vous aider pour votre question de recherche. Les services de la culture de la ville de Bruxelles. Il n'y a personne qui est intéressé par ça. Vous pourriez en parler. C'est une très chouette équipe, un très chouette. On touche un peu à tout. Moi, je ne travaille pas avec les cellules de communication, mais ce sont vraiment assez motivants. L'équipe est très, très disponible. Et on travaille, enfin, ils travaillent essentiellement aussi bien sur la communication des musées. De la ville de Bruxelles, de l'espace contemporain, ainsi que sur la communication des événements dans le pays. Ah. Oui. Bercarou, B-E-R-C-A-R-U. B-E-R-C A-R-U. A-R-E U. Et votre prénom? Liviu. Liviu, L-I-V-I-U. Donc c'est liviu.bercarou? Oui. Ok. C'est tout? Relever l'M. A. Une troisième. Mais ça dépend. Oui, il reste des places. Mais ça dépend ce qui vous intéresse parce que ça, c'est très spécifique. C'est très intéressant. La personne qui l'a fait a beaucoup aimé. Mais c'est vraiment sur le suivi éditorial du service de publication dans le musée. Qu'est-ce qu'on fait, comment on. Voilà, c'est vraiment le suivi de projets de publication dans le grand musée. Donc c'est. Très intéressant. C'est autre chose que, voilà, là, vraiment de la communication qui est quelque chose de plus, j'imagine, réactif, quotidien, etc. Le reste, c'est vraiment plus du projet à long terme, des projets éditoriaux. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, évidemment, les musées royaux des beaux-arts, c'est quand même super pour ça. Ça dépend vraiment si vous êtes plus comme touché un petit peu à tout dans les outils de com et tout ça, ou si vous êtes plus vraiment sur suivi éditorial qui est dans le domaine de l'art, ce qui est très différent. En fait, moi, je n'ai pas encore de décision finale. En fait, est-ce que je suis inscrit dans deux masters différents et j'aimerais bien en fait m'arranger avec l'autre master pour savoir si c'est possible de faire en fait un stage commun pour pas travailler deux endroits différents. C'est une question administrative, c'est la base. Voilà, donc j'ai pas encore des décisions finales. C'est pour ça que j'ai de communication, marketing et corporate. Mais en fait, j'aimerais faire mon stage au même endroit et de faire un le truc rapport. Comme... Voilà. Et là-bas, ils vous proposent d'autres types, d'autres stages. J'ai pas encore de confirmation de l'autre côté. C'est pour ça que je demande en fait à tous les professeurs. Alors, vous venez peut-être vers moi quand vous avez eu les infos de l'autre côté. Oui. De toute façon, il restait de la place sur ce stage, vous étiez le seul. Donc, vous revenez vers moi quand vous avez... Mademoiselle, elle avait levé la main, elle fait semblant de rien, mais j'ai bien invité. Alors vous, j'attends vos nouvelles, ok? D'accord, merci. C'est pour le musée de Kerberoy, la partie dans marché de l'art et assurance. Alors, marché de l'art, il y a déjà quelqu'un qui était intéressé, mais qui n'est pas là. On peut faire un tirage au sort virtuel entre vous et cette personne. Sauf si vous en aviez d'autres qui vous intéressaient au musée royal d'Afrique centrale. Donc, études et surveillance du marché de l'art, c'est ça? Oui. Ben, vous pouvez faire un... On va faire comme si elle était là. Je vais... Venez, on va faire un tirage de ça. Et du coup... Et l'autre, ce qui est intéressant aussi, c'était la commission belge francophone. Il y a quelqu'un sur la commission belge francophone? Parce que sinon... Si il y a une fois, c'est vous, sinon c'est l'autre personne. Bon, ça sera le cas, ouais. Désolé. Et donc, vous ne voulez pas le service de la culture? Pardon? Le service de la culture. On continue. Vous, ce qui vous intéressait, c'était quoi en fait? C'était plutôt les musées. Peut-être que ça va plus les musées. Bon, voilà. Parce que combien vous êtes encore à part avoir le stage? Peut-être que c'est plus les musées. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être d'étendre vos intérêts, c'est peut-être plus facile. Oui, on va essayer. Musée Royal des Beaux-Arts. Ah oui, l'édition, c'est ça? Oui. Ok. Moi aussi. Et vous aussi? Il y a 2 à 4 stagiaires, donc c'est parfait. Donc CV et entretien préalable. Je vais prendre vos noms. Pomme Vivane. Pomme comme le fruit. Pomme Vivane. V-I-V-A-N-E. Vivane, oui. Et vous? E-Y-R-A-N-D. Nathalie. Alors Nathalie. Héro, E-Y-R-A, U-D. Donc ULB aussi, vous avez l'adresse ULB. Hein. Pas sûr. Pas sûr? Vous n'êtes pas inscrite encore? Si, je peux. Ok, si vous n'avez pas de nouvelles en début de semaine prochaine, c'est qu'il y a un souci avec vos adresses, donc vous réécrivez. En fait, quand ils ont envoyé, enfin, quand je ne sais pas qui est la personne qui a envoyé, en fait, moi je l'ai reçu sur l'application, mais pas sur mon mail ULB, en fait. Sur l'application mon ULB est lié. Mais lorsqu'on les mails internes, on les a pas en fait. J'ai pas eu cette liste via les mails internes. Non, ça c'est normal, c'est normal. Okay. Mais là, on vous a vous envoyé des mails. Hein. Ok. Mademoiselle là-bas, c'est quoi qui vous intéresse dans la vie? Par du livre. Et vous avez une préférence pour l'un des deux stages ou? Donc il y a assistant communication en général et puis il y a assistant communication du big chief. Non. Vous pouvez aussi, vu qu'il n'y a personne, dire que les deux vous intéressent et voir avec eux. Je pense que c'est le même maître de stage. Alors je vais voir les deux. Votre nom? A-L-I-Z-E. Ouais. Ok. Ok. Alors qui d'autre n'avait pas encore de stage? Alors, quels sont vos intérêts? Je ne sais pas. Vous pouvez commencer si ça ne va pas vous venir. Ok? Il y avait deux. Votre nom? Déborah Badash. B-A-E. B-A-E. B-A-E. De toute façon, il y a un entretien, hein, donc vous verrez bien. Oui, mais elle ne veut pas faire que ça. Faut voir. Alors, qui d'autre? Oui. Alors, ben, moi, je reviens sur le musée du Moulin. J'ai reçu deux stagiaires. Il y a une personne qui s'est présentée tout à l'heure. Parce que... Non, il y avait une personne. Si, il y avait quelqu'un qui s'est présenté. Il y avait deux stagiaires. Donc, celui-là, plutôt. Ouais. Très bien. Alors, Livorlaine, L-I-D-O. N-E-S-E. At ULB. Livornais dans le jeu. Mais non, elle a un prénom. Marilyn. Ah, j'avais pas entendu le prénom. Marilyn.